Leçon 4. Quatrième leçon. À table. Première partie. Jules le voisin. Je m'appelle le voisin. Jules le voisin. Comme beaucoup de Français, je suis fils de paysan. J'aime beaucoup la campagne. Ma femme est vendeuse dans un grand magasin. Elle aime beaucoup la campagne, elle aussi. Moi, je suis chauffeur de taxi depuis longtemps. Mais demain, je prends ma retraite. Je suis très content. Nous habitons dans une petite maison. Notre maison est dans la banlieue de Paris. Nos enfants sont mariés depuis longtemps. Alors, notre maison est assez grande pour nous. Je connais M. Delon depuis longtemps. Aujourd'hui, lundi, je déjeune avec M. Delon.